Wow. Wow. Are you excited? Est-ce que vous êtes content? Are you being blessed? Est-ce que vous êtes en train de bénir? Sit down. Asseyez-vous. Is it amazing? Est-ce que c'est étonnant? Are you enjoying the wildlife? Yes. Est-ce que vous êtes en train de vous réjouir avec la wow. La vie sauvage. Well, bien. I think before I preach, I'm going to ask Ida to just sing a song quickly. Je m'aimerais demander à LP Ida de chanter. What song do you want her to sing? Vous voulez quelle chanson? Got this feeling down deep in my heart since I found you. Now I'm on my way. Jesus, deep in sin, falling deeper and deeper into my sinful ways. But now I'm on my way. I have found a new life. Stuck on you, I found my place, and this is where I'm gonna stay. Now I'm on my way. Jesus, this is where I found the love and the peace and joy in the Holy Ghost. And now I'm on my way. I have found a new life. Oh, I found a new life. Mighty glad I found a new life. This is a true and a faithful saying. Jesus came into the world to save sinners. Jesus came into the world to save a sinner like me. I was lost in sin and shame, but you gave your life to save me. Oh, I don't want to ever have to leave you. I don't want to ever have to lose my calling. I love the brethren. I love my pastor. I love the church. Lord, I love to be with you. Lord, I'm gonna stick with you. 'Cause I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my heart since I found you. Now I'm on my way. Jesus, I was deep in sin and falling deeper and deeper into my sinful ways. But now I'm on my way. I have found a new life. Yes, yes I have. Oh, I found a new life. Oh. True and a faithful saying. Jesus came into the world to save sinners. Jesus came to seek and save that which was lost. Oh. See, I was lost in sin and shame, but you gave your life to save me. Oh, oh, I don't wanna ever have to leave you. Oh no, I don't wanna ever have to lose my calling. I love the brethren, I love my pastor, I love the church, mission international, Jesus qui guérit. Lord, I love to be with you. Lord, I'm gonna stick with you. Cause I'm stuck on you. I've got this feeling down deep in my heart since I found you. Now I'm on my way. Jesus, deep in sin, falling deeper and deeper into my sinful ways. But now I'm on my way. I have found a new life. Have you found a new life? Yeah. I have found a new life. Oh, yeah, I have found a new life, yeah. Oh, I have found a new life, oh, oh. J'ai trouvé une vie nouveau. J'ai trouvé une nouvelle vie. Right. Oh, yeah. Woo! I'm a virtuous woman and be good to my man in secret and in public. I want to obey what the word of God says. Oh, oh. I wanna be a virtuous woman. I wanna be a virtuous woman. I wanna be a virtuous woman. I wanna be a virtuous woman. Listen, there are so many different kinds a woman. I know I could be any kind of woman. I could be an angry woman. I could be a brawling woman. I could be an odious woman. I could be a contentious woman. Oh, oh, oh. Say, I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. What kind of woman are you gonna be? God is gonna judge you. God is gonna judge you for the way you've been and how you treat your man. What kind of woman are you gonna be? God is gonna judge you. God is gonna judge you for the way you've been and how you treat your man. Hey, oh. righteous woman. I'll be good to him all the days of my life. I'll wake up early, I'll be hard working, I'll bring him food from afar, I'll gird my loins with strength. Yeah, yeah. Oh, say, I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. What kind of woman are you gonna be? God is gonna judge you. God is gonna judge you for the way you be and how you treat your man. What kind of woman are you gonna be? God is gonna judge you. God is gonna judge you for the way you be and how you treat your man. I am gonna be a virtuous woman. I'll be strong, I'll be wise, I will look well to my house. I will not be lazy, oh, I will not be idle. I'll dress in silk and purple. My husband is gonna praise me, yeah. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. Say, I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. What kind of woman are you gonna be? Say, I'm gonna be a virtuous woman. What kind of woman are you gonna be? Say, I'm gonna be a virtuous woman. What kind of woman are you gonna be? I'm gonna be a virtuous woman. Will not be lazy, will not be idle. Say, I'm gonna be a virtuous woman. I'll wake up early, I'll be hardworking. Say, I'm gonna be a virtuous woman. I'll be good to him all the days of my life. I'm gonna be a virtuous woman. Sing it with me. I'm gonna be a virtuous woman. Whoa. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be a, oh, oh, oh, so I'm gonna be a virtuous woman. I'm gonna be, gotta be, gotta be a virtuous woman. Oh, oh, oh. All right, sit down. Oh. What song do you want her to sing? Vous voulez quelle chanson? Okay, come. Oh, need a lover, where is he now? Need a lover, he did not stay. Oh no, need a lover, he broke my heart. Need a lover, the love gone bad. So many boys, they were so nice, and I thought it was love. Oh yeah, many relationships. When I needed someone to hold me so close, oh, looking for love in all wrong places, I didn't know that I was deceived. Boys like Peter just would not stay. Oh, I could not understand it, relationships failing. Oh. And I could not understand it, boys not staying. Except the Lord built the house, they labor in vain. Jesus said, without me you can do nothing. Love and peace are found in Jesus. Greater love is only found in Jesus. Oh, oh, oh. Jesus lover, the greater love. Jesus lover, he healed my heart. Jesus lover, the greater love. Oh, oh, Jesus lover, you're my prince of peace. Oh, Jesus lover, yeah. Oh, you healed my heart. Oh, oh, oh, Jesus lover, yeah, yeah. The greater love. Oh, oh, oh, Jesus lover, you're my prince of peace. Oh, Jesus lover. James, so glad you could make it here tonight for this meeting. But can you excuse for 1 second? 'Cause I just need to do something before I talk to you. I know it sounds kind of funny because of the way we've been, but I want to pray first. Let us pray. Or, you know what? Let me pray. Oh God, help me, please help me. I want to serve you, I really do. I want to follow you. Please help me. Please give me the Holy Spirit. I know that only you can make me strong. Today I have to do what is right, because I don't want to fall into this mess again. The hour has come and the seed must fall into the ground and die. I know you have made me strong enough to do this. I love you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. I had to meet you here today. There's just so many things to say. need to set things right. I'm here to speak the word of God. We've been living in sin so long. We both know it's not right. This fornication can't go on. Let's just quit and say goodbye. I'm glad we're meeting here today. See, this relationship is wrong. 'Cause I've been pregnant 3-4 times. Aborting babies just too bad. I feel sick because I've sinned. My hands are covered in so much blood. I cannot do this anymore. Let's just quit and say goodbye. For so long we've been together. Ooh. I won't be seeing you anymore. No, I can't help crying as I speak. Yeah. And I've been crying all week long. It's time for me to take my cross and follow Jesus every day. Yeah. 'Cause I have found a greater love. The love of Jesus is so real. Can't deny that I loved you, James. I can't deny you made me happy. Oh, yes, you did. You made me laugh. You made me cry. I just loved it being with you. And though I feel drawn to you, I want to serve the Lord from now. It breaks my heart to say goodbye, my James. Let's just quit and say goodbye. By the way, before you go, let me make one thing clear, very clear. You will not find me in those places. Oh, no, no, no, no. All those places where we've been. If you're looking out for me, you know what? You will find me in the church. to be born again. Oh, I belong to Jesus now. I'll be praying hard for you. Bye bye, James. I won't be seeing you no more. Let's just quit. Let's say goodbye. Bye bye, James. Goodbye, James. No more, James. It's over, James. Bye bye, James. Goodbye, James. It's over, James. Zeffany. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. I'll be praying. I'll be praying for you. Are you enjoying the concert? It's about my beloved, he is so special. Can I tell you what's happening in my life? I'm in love and I think I'm gonna get married. I'm sure you're thinking, strongest air, many waters cannot quench it. True love is strongest air, the floods cannot drown it. Whatever God does, it shall be forever. Love is strongest air, it will be forever. Beloved is such a nice guy, so sweet, so gentle, and so kind. I can't believe God will

we speak in tongues, you will be strong, oh yeah. You must speak in tongues every day. No one knows how to pray how you ought. The Holy Spirit, He gives you utterance. He leads your spirit in supernatural prayer. That's the best kind of prayer. You will be strong. You will be strong. Shabayabakana mama kabaraba speaking tongues. We speak in tongues. We speak in tongues. Shabayabakana mama kabaraba speaking tongues. We speak in tongues. You will be strong. I can pray with understanding. I can pray with my spirit. When I pray, I build myself up. So I can pray without ceasing. He that speaks in an unknown tongue edifies himself. Speaking tongues, charged like a battery, you will be strong. You will be strong. Shabayabakanamakabarama, speaking tongues. We speak in tongues. We speak in tongues. Shabayabakana mama kabaraba speaking tongues. We speak in tongues. You will be strong. Speak. Shabayabakana mama kabaraba speaking tongues. We speak in tongues. We speak in tongues. Shabayabakana mama kabaraba speaking tongues. We speak in tongues. You will be strong. Shaba yabakana mama, shaba yabakana mama, speak in tongues. We speak in tongues. We speak in tongues. Shaba yabakana mama, kabaraba, speak in tongues. We speak in tongues. You will be strong. Shaba yabakana mama, shaba yabakana mama, shaba yabakana mama. We speak in tongues, we edify our spirit. Shabayabakana mama, shabayaba, speak in tongues, yeah. We speak in tongues, you will be strong. Shabayaba. Glory to God. All right. I think it's Rudy's turn. You may be seated for a moment. Glory to God. You guys are doing a great job. Well, five demonic realms. Cinq domaines. You must démoniaque. Invade. Number one. Point un. The invisible world. Le monde invisible. For us to have a mighty mission internationale, Jésus Kigari, you need to operate in the invisible world. On a besoin d'opérer dans le monde invisible si on veut avoir une église, Jésus, mission internationale, Jésus qui guérit. Hebrews 11:27. Hébreux 11, 26. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir ou invisible. Amen. Amen. The first realm, le premier niveau, from where première réalité, où les attaques will be launched against you, qui sont lancées contre vous. I'm talking about five demonic realms, je parle de cinq réalités démoniaques attacks are launched against you, à partir desquelles les attaques démoniaques sont lancées contre vous. And number one is the invisible realm. Et le point 1, c'est la réalité ou le domaine invisible. Amen. Amen. The invisible realm, le monde invisible, is the realm of spirits. C'est la réalité des God esprits. Is in that realm. Dieu est dans ce monde-là. Demons are in that realm. Les démons sont dans cette réalité-là. And there is a whole world, et c'est tout un monde, that is not visible, qui n'est pas visible. So, Christians, et donc les chrétiens, and churches, et les églises, which deal mainly with the visible, qui traitent principalement avec l'invisible, are making big mistakes, font des grandes erreurs. Because all the assignments I was sharing with you about, parce que tous les devoirs avec lesquels je vous partage, are assignments, sont des devoirs that are launched against you, qui sont lancés contre from vous the invisible world, du monde invisible. Amen. Amen. Are you understanding what I am sharing? Est-ce que vous comprenez ce que je partage? Many sicknesses, beaucoup de maladies, are launched from the invisible realm, sont lancées du monde invisible, the realm of bacteria, les royaumes des bactéries, viruses, des virus, and parasites, et des parasites. These are the three things that have been discovered in the invisible world by the medical profession. Ce sont les trois choses qui ont été découvertes dans le monde invisible par le monde professionnel médical. As soon as human beings gained control over the invisible realm, they started to live longer. Dès que les hommes ont commencé à prendre le contrôle du monde invisible, ils ont commencé à vivre plus longtemps. Bacteria. Les bactéries. When a woman was going to have a baby, quand une femme devait avoir un enfant, and she's pregnant, et qu'elle était enceinte, with a big stomach, avec un gros ventre, they used to operate, ils opéraient, with their bare hands, avec leurs mains nues. People go to toilets, les gens allaient aux toilettes, wipe the, essuyer les fesses, eat, manger, and then et ensuite come and they cut, ils venaient ouvrir and operate, et opérer they la take femme the baby out safely, et sortaient l'enfant and en they sécurité, knew the parts and were able to sew up, ils étaient capables de recouper and they close the woman, et refermer le ventre de la femme. The next day she looks okay. Et le lendemain, tout semblait bien. Two days later, deux jours plus tard, she's got a little, not so feeling well. Elle se sent très Three bien. Days, trois jours après, the whole stomach is swollen, tout le ventre commence à gonfler. Fever, elle a de la fièvre. Very high, très élevée. 42-45 degrés. Shaking, elle sweating, tremble, elle transpire. Fever, elle a de la swelling, fièvre. Elle ça continue à gonfler. Until she dies a few days later, jusqu'au moment où elle dort quelques jours après, fever, avec de la fièvre, le ventre qui gonfle best, et son ventre qui explose. Because they didn't know, parce qu'ils ne savaient pas that there were germs on their hands, qu'il y avait des germes dans leurs mains. But when human beings, mais quand les êtres humains came to terms with the invisible world, sont arrivés au contrôle du monde invisible, their lives changed. Leur vie ont changé. That is why doctors wear gloves. C'est pour cela que les médecins portent des gants. Even today, manger aujourd'hui, to touch you, pour qu'ils vous touchent, and to even set up a drip, ou qu'ils puissent même faire quoi que ce soit contre toi. Ils mettent d'abord sometimes des they gants. Wear two gloves. Parfois, ils mettent même deux gants. They don't want to touch you at all. Ils ne veulent pas vous toucher sans ça. Yes. When somebody, quand quelqu'un éternue, they didn't know, ils ne savaient pas, that this juste en éternuant. So many things. Il y a tellement de choses. Yes. Oh oui. Invisible world. Dans le monde invisible. Through that. Et à travers so ça. So many people develop tuberculosis. Beaucoup de gens ont développé la tuberculose. You just breathe once. Juste en respirant une fois, c'est entré dans les poumons. So consciousness of the invisible world. Donc la conscience du monde invisible brought about control a apporté le contrôle sur le mal. Sexual ejaculation. Sur l'éjaculation sexuelle. You cannot see anything different. Vous ne verrez rien de différent. But within it, mais dans cela, is something called a virus. Il y a quelque chose qu'on appelle un virus. Even when you look, what do you call it? Parasites are bigger. Vous savez, les parasites sont plus grands. Parasites are like malaria parasites. Les parasites sont comme les parasites de la malaria. Then the next one is bacteria. Après, il y a des bactéries. They are smaller. Qui sont plus petits. Those ones. You can see with the microscope. Cela, vous pouvez les voir dans le microscope. The normal microscope that you see, you can le microscope see. Que vous voyez partout. Vous pouvez les voir. Shape. Vous pouvez voir leur forme. If you look. Quand vous regardez. Yes. That like sore throat. C'est pneumonia, comme la pneumonie. And even les maux de gorge. Tuberculosis and all, they are all bacteria. Tuberculose, tout cela, c'est des bactéries. Gonorrhea. La gonorrhée. Bacteria. Ce sont des bactéries derrière ça. All the inflammations. Toutes les inflammations. Mastitis and mastitis, cystitis, urinary tract infection. Toutes les infections urinaires et d'autres types d'infections. Bacteria. Ce sont des bactéries. Then there's a fourth one. I didn't say fungi. C'était un truc que je n'ai pas dit. That is it. You see your skin becoming white. This place becoming whiter. C'est quand une partie de votre peau devient only blanchâtre. One, only one spot is lighter. Juste une tache blanchâtre. Wow. And the women have the white. It's fungus. Okay. It's in the towel. It's in the panties. Et ça se trouve you cannot les, see, but it's in it. Dans les sous-vêtements ou dans les linges de toilette. On ne le voit pas. It's in the socks. Ça se trouve dans les chaussettes aussi. Share sock with somebody. Vous avez changé les chaussettes avec quelqu'un qui avait cela. White. Ça vient, c'est blanchâtre. Cannot go. Par pas. Cannot wear shoes. Vous ne pouvez plus mettre de chaussures. Fungus. You share somebody's shoes. Vous partagez les chaussures avec quelqu'un. Use somebody's towel. Vous utilisez le linge de toilette de quelqu'un. Are you there or you are leaving? Est-ce que vous êtes là ou vous partez? Yes. So you find. Et donc vous trouvez that the invisible world, you may say it is not there, but it is influencing everything. Vous vous dites que ça n'existe pas, mais alors que ça influence beaucoup de choses. You kiss somebody in a certain type of kissing. Vous embrassez quelqu'un avec un certain type de baiser. See, as if there's a tennis ball in your. Et y a, c'est comme s'il y a des boules de tennis là dans votre gorge. Ensuite. French kiss. On appelle ça le French, la French kiss. Baiser français. And virus, the microscope, I don't know how big it is now, but it used to be like from here to the top et pour les of virus, this house. Il fallait take several stories of just the microscope. Il fallait un microscope, an electron microscope jusqu'en haut aussi grand. Huge, up to the top of the light immense there, jusqu'au niveau de la lumière pour arriver à voir un virus. The bacteria you can see with the small one. Parce que les bactéries, vous pouvez les voir avec un microscope plus petit. But the virus, mais les virus, huge, il fallait utiliser like un grand house, microscope just to see. Juste you pour voir. See the HIV virus, vous ne pouvez see. Pas voir facilement maybe le now virus made it smaller, but it was huge. HIV parce que c'était difficile. Yeah. So that invisible world et donc ce monde invisible existe. And your consciousness of it et votre conscience de cela makes you live longer. Fait que vous vivrez longtemps. Now you see, you talk to a Ghanaian or some other person, they'll say, oh, when they are eating with the flies from the toilet has come to sit on the food, and they say, oh, African germs don't kill. Il va en train de manger avec une mouche qui est allée, qui vient des toilettes, qui se pose sur sa nourriture, et dit, mais les microbes ne tuent pas en Afrique. Have you heard it before? So you see, that kind of thinking, et ce genre de pensée, is what led to the spread of Ebola virus. C'est ce qui a conduit à l'expansion this one is not what, du virus de l'Ebola. Dit, mais là, c'est rien cette maladie. Are you with me? Vous me suivez? Are you still around? Vous êtes toujours là? So brothers and sisters, donc frères et sœurs, devils, le diable, are in the realm of the invisible. Se trouve dans le monde invisible. So when you are a pastor, donc quand vous êtes pasteur, you must be concerned about things you can't see more than what you are seeing. Vous devez vous concerner plus des choses que vous ne voyez pas que des choses que vous voyez. Amen. Amen. Have you ever known a spy? Avez-vous déjà rencontré un espion? I have known a few spies. J'ai connu quelques espions. When you work with a spy, quand vous marchez avec un espion, he will show you all the spies. Il vous montrera tous les autres espions. He will say, you see this one here? Il dira, tu vois celui-là? It's not a francophone. C'est pas un francophone. He's a spy. C'est un espion. This one works for, l'autre là, il travaille secret service. Pour les services secrets. This one is from CIA. L'autre travaille pour la CIA. They know themselves. Ils se connaissent entre eux. They are trained to see and ils sont to notice. Formés pour voir et remarquer. One day, un jour, praying, je priais devant. And a brother came to me and told me, "Do you see that girl walking? She was walking like this." Et un frère est venu me dire, "Tu as vu la sœur qui marche là-bas?" He told me, il m'a dit, if you go and ask her where do you work, she will say I work at the airport. Si tu vas lui poser la question de savoir où elle travaille, elle va dire qu'elle travaille à l'aéroport. But she doesn't work at the airport. Mais elle ne travaille pas à l'aéroport. He told me, I know her. Elle dit, moi je la connais. She says she's here from BNI. Elle est ici pour BNI. BNI. Yeah. Le service secret ghanéen. They are trained to see the invisible. Et ils sont formés pour voir from les today, invisibles dès ce soir. From today, dès aujourd'hui, your eyes will vos see yeux the invisible. Vont voir l'invisible. The second realm, le deuxième from where monde, attacks are going to be launched against you, à partir duquel des attaques vont être lancées contre the realm vous, of the spirit. C'est la réalité de l'esprit des esprits, the spirit realm, le monde spirituel. Wow. First Corinthians chapter 14 verse 2. 1 Corinthiens 14 verset 2. He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him. How be it in the spirit, or in the spirit realm, he speaketh mysteries. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. There is a place called the spirit. Il y a un endroit qu'on appelle l'esprit. When you speak in tongues, quand vous parlez en langue, it's nonsense. Ça n'a pas de sens. But in that realm, mais dans ce monde-là, in the spirit, dans l'esprit, how be it in the spirit, mais dans l'esprit, in the spirit, dans l'esprit, in the spirit, dans l'esprit, in the spirit, dans l'esprit, he's doing something there. Il fait quelque chose là. Il fait quelque chose là-bas. That's why Satan doesn't want you to speak in tongues. C'est pour cela que Satan ne veut pas que vous parliez en langue. As soon as you start to speak in tongues, quand vous commencez à parler en langue, vous baillez. He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. No man understands him. Personne ne how le comprend be it, quand il parle en langue. However, how be it is the old way of saying however. Et pourtant, in the spirit, dans l'esprit, or in that realm. Ou dans ce monde-là. So actually, if you want to operate in the spirit, en fait, si tu veux opérer dans l'esprit, like you want to enter that realm, ou tu veux entrer dans ce monde, operating, et opérer là-bas, start speaking in tongues. Commence à parler en because langue. How be it in the spirit, parce qu'il dit, et pourtant dans l'esprit, you speak, tu parles mysteries, des mystères, to God, à Dieu. Amen. Amen. So there is a realm. Donc il y a un monde called in the spirit, qui s'appelle dans l'esprit. That is where, c'est là où these things are, ces choses based, se trouvent. It is from that realm, c'est à partir de là, things come against you, que ces choses viennent contre vous. What was that? C'était quoi? Number three. Point 3. The third realm, le troisième monde, from when, from where attacks, à partir will be launched against you, des attaques sont lancées the contre realm vous. Of darkness, c'est le monde des ténèbres. The realm of darkness, le monde des ténèbres. Jude verse 6. Jude verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day in darkness. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Amen. Colossians 1 verse 13 says, Colossiens 1, 13, who has delivered us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. Ephesians 6, 12 says, Ephesians 6, 12, we wrestle not against flesh and blood, on ne lutte pas contre la chair ni le sang, but against principalities, mais contre les principautés, against powers, contre les autorités, and against the rulers of the darkness. Et contre les princes de ce monde des ténèbres. There is a place, il y a un endroit, darkness, qui s'appelle des ténèbres. It's not as you think it is. C'est pas comme vous pensez que c'est. When Rick Joyner had a vision, he met a man. Quand Rick Joyner a une vision, il a vu un homme. Who had been a Christian but was not an active Christian. Qui était un chrétien mais pas un chrétien actif. And he found the man very glorious. Il a trouvé l'homme très glorieux. And when the man told him that he had wasted his life. Et quand l'homme lui a dit tu as gâché ton temps. He said but you are so glorious. Il a dit mais tu es tellement glorieux. Marvelous in this place. Tellement merveilleux dans cette place. And the man told him, et l'homme lui a place, dit cet endroit. Where I am and where you are. Où je suis et là où tu es. Called the outer darkness. Ça s'appelle les ténèbres de dehors. He said, "You are going far. That place is the glory. That's where the light. This is where we are on the fringes." Là, on se trouve heaven, juste à l'extérieur du ciel. Là, où tu vas aller. Là, où tu vois la grande lumière. C'est là où se trouve la gloire. This is the outer darkness. Mais là où je suis, c'est les ténèbres de dehors. Kenneth Hagin said when Jesus appeared to him, he told him there are four classes of evil spirits. Kenneth Hagin a dit quand Jésus lui a apparu, Jésus lui a dit il y a quatre mondes des ténèbres, des mondes spirituels. Principalities, powers, les principautés. And then the second one was, the third one was rulers of darkness. Like there is a realm called darkness, and there are rulers in that realm. Et il a dit ensuite il y a les princes du monde des ténèbres parce qu'il y a des princes ou des gens qui règnent dans ce monde-là. And he said the fourth type of evil spirit, et le quatrième, was wicked spirits in heavenly places. And he said those ones, most of your prayers and what have you, don't have much to do with that. Il a dit, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Not much, what do you call it there? Ce sont ceux qui bloquent vos prières. Ils sont là. Higher level of, c'est le niveau le plus haut evil, de mal. So the realm, there's a place called darkness. Donc so Bible says monde, that the fallen angels have been reserved under darkness. La Bible déclare que les anges déchus ont été réservés dans le monde des ténèbres. Fallen angels are very much a part of human life. Et les anges déchus font partie vraiment intégrante de cette vie. Whatever is launched against you. Quoi que ce soit qui a été lancé from contre the realm vous, of darkness, du monde des ténèbres, the light of God in you, la lumière de Dieu en vous, is quenching that thing in Jesus. Va attrister ces choses. Amen. Amen. The fourth realm, le quatrième monde, from where attacks à partir duquel are going to emanate, les attaques vont émaner, are what we call ce qu'on appelle the dark places of the earth, les places ténébreuses du monde, de cette terre. Psalm 74, verse 20. Psaume 74, verset 20. The dark places of the earth. Les places ténébreuses de la terre. Psalm 74, verse 20. Psaume 74, verset 20. Have respect unto the covenant, for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. The dark places, les lieux sombres of the earth are full, de la terre sont pleins, pleins of the habitations of cruelty, des repères de brigands. Now, if you see the earth, si vous voyez la terre from the spirit realm point of view, dans le monde spirituel, d'un point de vue spirituel, you will not see it like how we are seeing the sun and the day and the night. Vous ne verrez pas comme on le voit le soleil et la lune. You see more light in some places and darkness in some places. Plus de lumière dans un endroit et vous verrez plus de ténèbres dans un autre endroit. And the Bible says that the dark places of the earth, la Bible dit que are les lieux full sont pleins of the habitations of cruelty, des wickedness, pères de brigands ou de la from des gens cruels. Those centers of darkness, de ce centre-là des ténèbres, evil is exported to the places with more light. Le mal est exporté vers les endroits où il y a plus de lumière. So today, et donc aujourd'hui, the dark places of the earth, les lieux sombres de la terre, are Europe, sont l'Europe, and America, et l'Amérique, are some of the darkest spots, sont des endroits on earth, ténébreux, and that is why sur terre. Homosexuality is exported. C'est pour cela que even by presidents and heads of state, même par des présidents, agents of the exporting of homosexuality into the rest of the world. Des agents d'homosexualité dans le reste du monde. The dark places, Psalm 74, verse 20, are full of the habitations of cruelty. Les lieux sombres de la terre sont pleins de repères de brigands. The Western world is exporting godlessness and paganism and atheism into the whole world. Et donc l'Occident exporte le paganisme et une vie sans Dieu dans le reste du monde. And certain parts of the world are exporting religions with great force and strength. Et d'autres parties du monde exportent le fait de croire en Dieu avec toute leur force. They are taking the religions to the rest of the world. Ils apportent leur religion vers le reste du monde. Or it's not true. Ou est-ce que c'est pas vrai? And nations are being enveloped and are receiving the exported wickedness. Et il y a des nations qui sont enveloppées, nation qui reçoivent nation, l'exportation du mal de nation en nation. And that's why God is sending you as a light to the nations of the world. Et c'est pour cela que Dieu vous envoie comme une lumière mission dans le reste du monde. International, Jésus qui guérit. An international mission of healing Jesus. Une mission internationale de Jésus qui guérit. The dark places of the earth. Lieux sombres du monde. In fact, evangelical Christians have something they call the 1040 window. Et les évangélistes ont, les évangéliques ont quelque chose qu'on appelle le 1040, une fenêtre. It is latitude 10. À cette latitude 10 north to latitude 40, jusqu'à la latitude 40, the darkest part of the earth. Ils disent que according to the evangelical, selon les évangéliques, when you take that latitude 10 to latitude 40 around the globe, quand on prend la latitude 10 à 40, everywhere that does not believe in Christ, partout dans cette zone-là, ils ne croient pas en Dieu. Is found within that latitude. Vous les retrouvez tous dans cette zone-là où les gens ne croient pas en Dieu. It's called the 1040 window. On appelle cela de 10, le 1040 fenêtre. And they have been praying over the 1040 window. Et eux, ils prient pour cette fenêtre-là 1040. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? The final realm, le monde final, from where attacks are going to be launched, à partir duquel les attaques sont lancées, mission internationale and against your life, et contre votre vie, c'est is realm of the night. C'est le monde de la nuit. The night. La nuit. 1 Thessalonians 5 and verse 5. 1 Thessaloniciens 5, 5. You are all the children of light. C'est tous des enfants and de the la children nuit. Of the day. We are not of the night, nor of darkness. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. When night falls, quand la nuit tombe, arm robbers wake up. Les voleurs se réveillent. Murderers wake up. Les meurtriers se réveillent. Wicked men multiply. Les personnes méchantes se multiplient. Matthew 13, verse 25. Matthieu 13, 25. But while men slept, quand les hommes dorment, his enemy came and sowed tares among the wheat. Son ennemi est venu, il a semé l'ivraie parmi le blé. Are you listening? Est-ce que vous m'écoutez? Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So, donc, these are the realms. Ce sont les mondes. Now, you see this place here, you see how dark it is. Vous voyez cet endroit là, comment c'est sombre. There are dangerous things there. Il y a des choses dangereuses là-bas. If you go in there now, si vous allez là-bas maintenant, you may not come out alive. Peut-être vous n'allez pas en ressortir vivant. Yes. Just here. Juste là. And you see a lot of characteristics. Vous voyez darkness, plusieurs caractéristiques dans les ténèbres. Habitations of cruelty. L'habitation de la cruauté. In the dark places. Dans les lieux sombres. Of the campus. Du campus. You see the night. Vous voyez la nuit. You hear the sounds. Vous entendez les sons. The realm of the night. Le monde de la the nuit. Invisible. We cannot see any evil. On ne peut rien voir de mal. But there used to be a snake here. Mais il y avait des serpents. Down there. Un serpent là-bas. A brown one. Un serpent brun. And the people in the area knew he was there. Et les gens qui habitent par ici savaient qu'il ce and serpent they were afraid était là. Of him. Ils avaient peur de ce they serpent. Never kill him. On l'a jamais he tué. Comes and he goes. Il venait se balader. Till we came here. Jusqu'au jour où nous on arrivait ici. Yes. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Whatever attack there may be, peu importe les attaques qu'il peut avoir, from the wizards and the witches of your area, qui viennent des sorciers, I declare their et death. Des féticheurs dans votre vie, je proclame I leur mort. Their demise. Je proclame leur I démission. Declare the finality of their lives. Je proclame la finalité they de leur vie. Declared no more et je available qu'ils ne sont plus disponibles sur In cette terre. In the name of Jesus Au Christ. Au nom de Jésus. One night, une nuit, I was asleep in my house. Je dormais dans ma maison. And a man came there to do a patrol. Un homme est venu là pour patrouiller. And he went around the house. Il est venu tourner autour de la maison. Speaking and casting charms. Il venait jeter des sortilèges. Hey! When I woke up, the security man said, "This man came. I don't want to mention his name. He comes from a certain part of Ghana." Et bon, ma sentinelle m'a réveillé, m'a dit après, il y a cette personne qui vient de cette partie-là du Ghana qui faisait des patrouilles autour de la maison. When I woke up, quand je me suis réveillé, he said, "This man came to speak and cast things around where I was sleeping." Ma sentinelle m'a dit, il y a cette personne qui est venue jeter des sortilèges. Pendant que je ronflais, lui jetait des sortilèges. That is why Christians don't have to sleep too much. C'est pour cela que les chrétiens ne doivent you pas trop dormir. And speak in tongues. Ils doivent se réveiller parler you en langue. Use your powers that you have. Utilise la puissance que tu as. You see, in Africa, vous voyez en Afrique, we believe in black magic. On croit à la magie noire. Juju, juju, voodoo, le vaudou, and all these kind of things. Et toutes ces choses-là. So you also have to be wild. Et vous devez être aussi, yes. Vous devez They être violent. If you go to Haiti, si vous allez en Haïti, Haiti, en Haïti. They believe in voodoo. Ils croient au vaudou. They practice it. Ils le pratiquent. You see them doing something in the classroom. Vous les voyez faire quelque doing chose something dans les classes. Just ordinary Haitians. Juste là. All of them are doing something. Ils sont en train de faire leur truc en classe. That's their religion. C'est leur religion. And you see, mais vous voyez, any other god you try to serve, tous les autres dieux que vous voulez servir, god, à part notre you Dieu, vous attirez une malédiction dans votre vie. Now, maintenant, the question, everybody look here, please. Tout le monde, regardez. We have come here. So, regardez. Et maintenant là, tomorrow morning, you won't see it this way. Demain, vous ne verrez pas cet endroit-là. The question is, what kind of creatures? La question est, quel genre de créature will be launching against you va être lancé contre vous à partir de ce monde-là des ténèbres? Number one. Point 1. Flies. Les mouches. Spiritual flies. Les mouches spirituelles. Spiritual flies. Les mouches spirituelles. Satan is called Beelzebub. On appelle Satan, on dit qu'il s'appelle Beelzebub. The Lord of flies. Qui veut dire le seigneur des mouches. Or the Lord of the dunghill. The baller. The Lord ou of baller. Ou le dieu des ordures. How do you say baller? The ball of poubelle. Ou la poubelle. Le seigneur des poubelles. Des poubelles, la poubelle. La poubelle. Come on. Beelzebub. Beelzebub. It's from an old god, Baal. Baal Zebub. Qui vient d'un ancien dieu, Baal, et puis Zebub. So, what kind of attacks? Et donc, quel genre d'attaque? Can you expect? Peut-on s'attendre as a believer, en tant que chrétien as a mission, et en tant que mission from such a place, qui pourrait venir de tel endroit? Hey, we were in danger of a lion. Si on avait peur d'un lion, do you think we can be sitting here by this time? Est-ce que vous pensez qu'on serait ici en ce temps-ci? So, it is important to know the nature. Et donc c'est important de connaître la nature of creatures that can come from there, des créatures qui peuvent sortir so that de là we will be prepared. Pour être préparé. When you are praying, quand vous priez, you must see into the spirit, vous devez even voir with the eyes of your heart, dans l'esprit avec les yeux and de votre cœur. With, you have to see them, vous devez les voir. And visualize them. Et les visualiser. Then it makes you pray. Et ça vous fera prier. In my new book, dans mon nouveau livre. On how to have victory over demons. Sur comment avoir la victoire sur les you démons. See pictures. Vous voyez des they images. Are, they are demonic pictures. Sont des images démoniaques. Of demons. Des démons. That human beings have made into gods. Que des êtres humains ont transformé en leur dieu à travers des années. But you see, they are demons want to be worshipped like God. So et they have démons, made human beings make gods of them. Et donc les démons veulent être adorés comme Dieu. Et donc ils font que les êtres humains fabriquent quelque chose qui leur ressemble pour être adorés. So when you bow down to those, you are bowing down to a demon, I tell you. Et donc quand vous agenouillez, vous prosternez contre ces choses-là, c'est comme si vous adorez des démons. It's very serious. C'est très sérieux. You are bowing down to a demon, vous vous prosternez that is in the spirit. À devant des you démons, are worshiping it. Vous les adorez. That is why even an object like that should not be in your house. C'est pour cela qu'un tel objet ne devrait même pas être dans vos maisons. When you go to India, you don't have to buy any of the objects that they are selling. Quand vous allez en Inde, n'achetez aucun objet qu'ils vendent là-bas. Souvenirs. Comme souvenirs. They are all gods. Ce sont tous different des dieux. Shapes. Des formes of demonic entities. Et des tailles différentes d'entités démoniaques. How many want to bow down to a demon? Combien veulent se prosterner devant un démon ici? All right. Are you still around? Vous êtes toujours là? Mark 3:24. And the scribes which came down from Jerusalem said, he hath Beelzebub. And by the prince of devils, casteth he out devils. And he called unto them and said unto them in parables, how can Satan cast out Satan? If a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. So they said, he has Beelzebub. And he said, by the prince of devils, casteth he out devils. In other words, Jesus, they were trying to say that Jesus was like the prince of devils, using a power of the prince of, because he was, Beelzebub is the lord of the flies. He's the prince of the devils. Donc il voulait dire que so Jésus, it's like Jesus is using prince of devils as a leader of devils to make devils do things. Et donc il voulait dire que Jésus utilisait la puissance du prince de Beelzebub pour chasser d'autres démons, comme c'est écrit dans Marc 3, 22. Yeah. Now, all the animals, spiritual animals in the Bible, et donc tous les animaux spirituels dans la Bible are the spiritual version, sont une version spirituelle of the physical ones. Des animaux physiques. Yes. Oui. So such launchings, et donc ces attaques là, the dark realm, du monde des ténèbres, you can expect to bring diseases. Vous pouvez vous attendre à ce qu'ils amènent many des maladies. Of the diseases, beaucoup de maladies that our people are experiencing are caused by spirit. If you want to visualize the type of creature, si tu veux visualiser le genre de créature spiritually, dans le monde it's a spiritual fly, c'est un or a spiritual insect, spirituel ou un insecte spirituel. He called him the Lord of flies. Et on l'appelle le Seigneur des mouches. Yes. So these are the type of creatures. Donc c'est le genre. One time I was in Germany. Un jour j'étais en Allemagne. In Cologne. À Cologne. I lay down on my bed in the most uncomfortable hotel. Je me suis couché sur le lit. And I felt very uncomfortable. See, physical things are caused by spirit. Et je me sentais not très mal à l'aise. Don't feel at ease. J'étais pas à l'aise. Je me retournais couché. And as I lay down, alors que j'étais couché, the ceiling removed. Le plafond enlevé. And I saw behind the ceiling. J'ai vu derrière le plafond des mouches, des insectes partout. And then suddenly it closed back. Et soudainement, ça s'est they refermé. Were present in Germany. The devils that are there, les démons qui sont en Allemagne. Yes. From today, dès aujourd'hui, every launch toute of attaque flies, de mouches, insectes, flies, simulium flies, de n'importe quel type d'insectes, des moustiques spirituels, mouches spirituelles, insectes spirituels, maladies spirituelles, launches of unknown and undiagnosable diseases, qui viennent avec des maladies connues ou non connues, des infections, des parasites, and other invisible entities, et autres entités spirituelles, spread and blocked from your life today in Jesus' sont maintenant bloqués contre votre vie au nom de Jésus. Are you still around or you are leaving? Vous êtes toujours là ou vous partez? Yes. The whole of Africa. Toute l'Afrique. Millions of people die because of a small mosquito. Des millions de gens meurent à cause juste d'une petite moustique. It's spiritual. C'est spirituel. And the Lord of dung, the Lord of bola, the blood of rubbish. Et le dieu des ordures, de poubelles. Causes water, rubbish. You see, there used to be mosquitoes and malaria in Switzerland. Il y avait des moustiques et la malaria en Suisse avant. They dried it out. Yes, Swiss, in the Swiss Alps. Dans les Alpes suisses. Yes. All these things, there's no more. The Lord of Dung wants the rubbish. Where there's a lot of rubbish, there's evil. Le Seigneur des poubelles voulait être là. Et quand vous voyez des poubelles, des ordures, that's il veut lui se propager là. Every disease can be gotten in that rubbish dump. Parce que toutes les maladies you peuvent se trouver dans ces ordures. Cows are eating the rubbish and they are selling cow meat. Et vous voyez des vaches qui vont manger là les ordures et après on tue les vaches, on vend leur viande, on nous les donne, on nous les vend. The cows are eating poisonous things. Les vaches mangent de la nourriture poisonneuse. Et ils répandent des maladies comme ça. from today, dès aujourd'hui, whatever is coming from the darkness, quoi que ce soit qui vient des ténèbres, may the blood of Jesus cover you and grant you divine escape and immunity. Et vous accorde l'échappatoire et l'immunité. Divine immunity. From l'immunité every fly attack, contre toute attaque de mouche, l'attaque des insectes your life, contre votre vie, in Jesus name, au nom de Jésus. You are covered. Vous êtes couvert. I say you are covered. Je dis vous êtes couvert. In Jesus name, au nom de Jésus. Give Jesus a mighty clap offering. Applaudissez très fort pour Jésus. You may be seated. Prenez place. We are closing for the night. On va s'arrêter pour le we shall soir. Come in the morning. On reviendra demain matin. Right. There are many kinds of spiritual animals that when you are praying from today and close your eyes, il y a beaucoup d'animaux spirituels et quand vous fermez vos yeux vous priez, and you'll be binding and cursing them, vous devez les maudire ces animaux là quand vous priez. It will help you to pray especially in the night. Ça vous aidera à prier pendant la nuit. Yeah. Oui. When you are walking and you are praying, quand vous marchez et que vous priez, you know what you are dealing with. Sachez contre qui vous traitez. Ayez une That's idée. That's why you have to travel and see certain things when you've seen before. When you are dealing with it or you are doing something, you have a picture. C'est pour cela que vous devez voyager pour voir. That picture helps you to know what. Let's say you've been here before. You say, what I'm going to build. I have a picture in my mind. It helps you. Comme ça vous aide à avoir une image. Quand vous êtes ici, vous avez une image des choses que vous pouvez construire par rapport aux choses que vous voyez. That's why I travel with people so that they see what I've seen. C'est pour ça que je voyage avec des gens pour qu'ils voient ce que je vois. We are dealing with it. Et qu'ils puissent traiter avec ça. You know what you are dealing with. Et vous devez savoir contre qui vous vous battez. You not just be. Pas juste prier en ronflant. What do you think? Vous en pensez quoi? Is it amazing? Est-ce étonnant? Is it fantastic? Est-ce pas fantastique? Are you developing a spiritual immunity? Est-ce que vous développez une immunité spirituelle? Yeah. Yeah. No devil will feel happy. Aucun house diable again. Ne sera heureux dans vos maisons encore. Plus jamais. One day I was lying down on my bed. Un jour j'étais couché sur mon lit. And suddenly, et soudainement, I saw a crab. J'ai vu un crabe. Yes. Oui. You see, my bed had four poles. Vous savez, mon lit a quatre pôles. And suddenly I saw a crab. I tell you, j'ai my wife had just gone into the bathroom. Il était allé juste. I was lying there and I saw a crab walking on the. And I said, ah! J'ai vu un crabe là sur le plafond. Je lui dis, il a disparu ensuite. You see, and at that time, et à ce moment-là, Satan was fighting me so that I don't rest. Satan se battait contre moi pour que je ne me repose pas. I even prayed for the spirit of the giraffe. J'ai même prié pour l'esprit de la giraffe. Giraffe doesn't lie down. Parce que la girafe ne se couche pas. Doesn't lie down. Il ne se couche pas. Wow. Yes. Oh oui. Cannot rest. Il ne se repose pas. I see God open my eyes. Et Dieu a ouvert mes yeux. Yes. Oui. Almost every time when my eyes open, the creature that I see, et très souvent, it's one of the animals. Quand mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois toujours des créatures qui sont des animaux. Yes. Oui. Almost every animal is found in the spirit. Presque tous les animaux se retrouvent Almost aussi dans every l'esprit. Animal is found in the spirit. Presque tous les animaux. And most of the time, they are not doing anything good. Et très souvent, ils ne font rien de bon dans ce monde-là. Yes. Almost oui. Every animal is found Presque in the spirit. Tous les animaux sont what aussi you see, dans l'esprit. You see, what the Bible says, and the serpent came. Quand la Bible dit, et le serpent est venu. It's a snake. Un serpent. What do you think it was a physical? It's not physical snake that is speaking. It's in the spirit. It's a You see, just as, and the same thing that these ones do is what they are also doing. It's like spiritual picture, a physical picture of what is in the spirit. Et quand on parle de serpent dans la Bible, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Et ces choses existent jusqu'à aujourd'hui. When he speaks, he said, and I saw the serpent, that old dragon. Et dans la Bible, il dit, j'ai vu ce serpent-là, c'est le vieux, l'ancien dragon. Your prayer time will never be the same again. Votre temps de prière ne sera plus jamais la même. Some of you don't know there are things in your houses. Beaucoup de gens ici ne savent même pas ce qui se trouve dans vos maisons. One day I came to a house. Un jour je suis venu dans une maison. And something within me said, cut down all the trees in this house. Quelque chose en moi m'a dit, coupe toutes les arbres dans cette maison. Cut down. Et moi, j'aime pas couper les arbres. Et cette chose m'a dit, coupe les arbres dans cette maison. And I felt the Spirit telling me that the trees that are cut down, they are places that demons used to stay. Et j'ai senti l'Esprit qui m'a dit, ces arbres-là que tu dois couper, c'est là où les esprits mauvais viennent trouver leur refuge. It says, and it goes around in dry places. Et la Bible dit qu'il va dans des endroits arides. The spirit in a place make the place a certain way. L'esprit dans un endroit rend l'endroit certain. Vous trouverez beaucoup countries. De fornication so dans le monde francophone. They don't have as much sex in a anglophone countries. On ne trouve pas autant de relations de fornication dans le monde anglophone. A young girl like many of you here, des jeunes filles comme vous ici, you have run through the city. Vous avez run through the city means vous avez traversé toute la ville. You don't even know the names of some of the vous connaissez même pas le nom de la plupart des garçons. You don't even know their names. Vous connaissez même pas leur nom. You run through the city. Vous avez traversé déjà toute la ville. So tomorrow, et donc, I'll demain, take you through the 21 animals and creatures. Et je vous parlerai demain des 21 out of this realm. Animaux et créatures qui viennent de ce monde-là des ténèbres. They are all blocked in your life from today. Ils sont tous bloqués contre votre vie au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Wow. Wow. Father, thank you for your blessing tonight. Merci pour ta bénédiction ce soir. As we sleep tonight. Alors que nous nous couchons ce soir. Oh, we lift our hands in prayer. Nous levons nos mains en prière, Seigneur. Oh, we say, Lord. Et nous disons. Let the blood of Jesus cover us. Que le sang de Jésus nous couvre. Whatever is wicked. Quoi que ce soit de méchant qui se déplace la nuit, quoi que ce soit qui nous suive pour nous tourmenter, pour nous harasser, pour nous faire peur, pour nous jeter des sortilèges, pour nous intimider, pour nous tromper, pour nous opposer, pour nous résister, pour nous frustrer. Nous déclarons qu'ils sont tous maudits. It has no power over our lives. Ils n'ont aucun pouvoir sur notre we vie. Release the angels of the Lord. Nous relâchons les anges de Dieu. For the security pour la sécurité of your people. De ton peuple. We give you thanks. Te disons merci. Francophones will never be the same again. Les francophones ne seront plus jamais les mêmes. Francophones will never be the same. Les francophones ne seront plus jamais les mêmes. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. One carrying an evil spirit. Qui que ce soit ici qui porte avec lui un mauvais esprit. I declare that from tonight. Je déclare que dès ce soir, it will not rest in you anymore. Ça ne restera plus jamais sur toi. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. Give the Lord a shout and a clap. Poussez un cri vers Jésus et applaudissez.